marronnier roussissent et le soleil se fait néon. La forêt glaciale peine à dépasser les immeubles. Et les visages tristes et lisses des Parisiens arrogants, livides et si pâles, en un clin d'œil se font l'un seul. Ça sent l'hiver et les pelures de mandarine. Adieu la mer, bonjour les clémentines. Ça sent l'hiver et les pelures de mandarine. Adieu la mer, bonjour les clémentines. La si jolie ville est une esquisse de pastel et de blanc. Perles d'eau pluviale qui font pleurnicher les tilleuls. Et mes amours vieillissent environ d'un an tous les ans. Bon, d'accord, ok, je ferme ma gueule. Ça sent l'hiver et les pelures de mandarine. Adieu la mer, bonjour les clémentines. Ça sent l'hiver et les pelures de mandarine. Adieu la mer, bonjour les clémentines. Adieu la mer, bonjour les clémentines.